Il y aura un matin froid comme de la glace, des lèvres qui avancent et m'embrassent. Peut-être ne suis-je pas à ma place. Tu diras des mots qui sortent comme on s'enfuit, des mots qui partent et que j'oublie avant le sens et l'ennui. Dis-moi que tu vas bientôt partir. Sais-tu que tu me fais souffrir, étendu là comme un soupir. Tu te calmes.